L'aspect du conseiller d'État avait produit, comme on va le voir, une sensation profonde sur le couple. Mais c'est le baron Hulot, dans la direction de qui se trouve mon bureau, s'écria le mari en quittant le balcon de la fenêtre. Eh bien, Marneffe, la vieille fille du troisième au fond de la cour qui vit avec ce jeune homme est sa cousine. Est-ce drôle que nous n'apprenions cela qu'aujourd'hui, et par hasard? Mademoiselle Fischer, vivre avec un jeune homme, répéta l'employé, c'est des cancans de portière. Ne parlons pas si légèrement de la cousine d'un conseiller d'État qui fait la pluie et le beau temps au ministère. Tiens, viens dîner, je t'attends depuis 4 heures. La très jolie Madame Marneffe, fille naturelle du comte de Montcornet, l'un des plus célèbres lieutenants de Napoléon, avait été mariée au moyen d'une dot de 20 000 francs à un employé subalterne du ministère de la guerre. Par le crédit de l'illustre lieutenant-général, maréchal de France dans les 6 derniers mois de sa vie, ce plumigère était arrivé à la place inespérée de premier commis dans son bureau. Mais au moment d'être nommé sous-chef, la mort du maréchal avait coupé par le pied les espérances de Marneffe et de sa femme.